Loi agricole, le Brésil porte plainte contre les États-Unis, 25 février 2014. Les États-Unis viennent tout juste de se doter d'une nouvelle loi régissant leurs subventions à l'agriculture. La Farm Bill, mais déjà, des voix s'élèvent pour protester. Le Brésil notamment affirme que la législation accorde une protection déloyale aux producteurs américains. L'encre avait à peine séché que la controverse éclatait, même ici aux États-Unis, où le Washington Post déplorait, dans un éditorial fort sec, la générosité du gouvernement fédéral vis-à-vis des exploitants agricoles. Si la nouvelle législation a entériné la suppression des paiements directs aux cultivateurs, elle a gonflé en échange les mécanismes de garantie contre les chutes des cours et des revenus, ainsi que les programmes subventionnés d'assurance, souscrits par les agriculteurs contre la volatilité des prix et les catastrophes naturelles. L'État fédéral va donc subventionner ces primes d'assurance payées par les exploitants à hauteur d'environ 60% de leurs coûts en moyenne. Le Brésil s'est indigné, ravivant une controverse qui dure en fait depuis 2002, lorsque ses producteurs de coton et ceux des autres pays en développement pâtissaient du soutien des États-Unis aux agriculteurs. À l'époque, explique l'économiste Daniel Sumner de l'Université de Californie à Davis, il y avait des moments où les producteurs de coton recevaient plus de la moitié de leurs revenus du gouvernement américain. Impossible pour les autres pays de tenir le coup. C'est ainsi que le Brésil a porté plainte à l'Organisation mondiale du commerce. Les États-Unis ont perdu, ils ont interjeté appel, ils ont encore perdu. Washington ayant refusé de modifier ses subsides, l'Organisation mondiale du commerce a invité le Brésil à adopter des sanctions, c'est-à-dire à imposer des tarifs aux importations en provenance des États-Unis. Le problème, explique M. Sumner, cela pénaliserait également les consommateurs brésiliens. Le Brésil a opté pour une autre mesure, en menaçant de suspendre les protections à la propriété intellectuelle couvrant les logiciels, produits pharmaceutiques ou films américains, des centaines de millions de dollars étant en jeu. Washington a cédé, en 2010, un accord est intervenu, peu avant l'adoption de la nouvelle loi sur l'agriculture. La substitution d'énormes subventions aux primes d'assurance au paiement direct aux cultivateurs de coton n'arrange rien, estime le leader de l'Association des producteurs brésiliens de coton, Gilson Pinesso. Avec ce type d'assurance, les producteurs américains recevront des paiements quelle que soit leur productivité, les risques météorologiques ou la qualité, déplore M. Pinesso. Les producteurs américains de coton ont toutes les raisons de produire au maximum, vu que cela fera baisser les prix et qu'ils toucheront alors les primes d'assurance, ajoute-t-il. Résultat, le Brésil porte plainte à nouveau contre les États-Unis auprès de l'OMC, ce qui ne semble pas inquiéter outre mesure le principal groupe de pression des agriculteurs américains. L'American Farm Bureau Federation, les programmes d'assurance récolte sont autorisés par l'OMC. Je suis sûr que le Brésil va dire qu'il ne correspond pas exactement à ce qui était envisagé. Mais je suis assez confiant que l'OMC va décider que nous avons donné dans le but, a affirmé M. Moore. À noter néanmoins que de nombreux économistes ont qualifié la nouvelle loi sur l'agriculture de pas en arrière, qui pourrait infliger, à terme, de plus grands dommages aux exploitants agricoles des pays en développement que l'ancienne loi. Obama enclenche les préparatifs du départ d'Afghanistan, 26 février 2014. Le président Barack Obama a demandé au Pentagone de préparer le retrait de toutes les troupes américaines d'Afghanistan d'ici la fin de l'année, au cas où l'accord de sécurité bilatéral, ASB, ne soit pas signé d'ici là. La Maison-Blanche a annoncé que M. Obama a transmis ce message à son homologue afghan, Hamid Karzai, dans un appel téléphonique mardi. Selon le porte-parole de la Maison-Blanche Jay Carney, le président a dit à M. Karzai que Washington reste ouvert à la possibilité qu'un accord soit conclu in extremis avec l'Afghanistan plus tard cette année. Le fait que le président Karzai ait indiqué qu'il est peu probable qu'il signera la SB signifie que, dans ce cas, il est possible que le prochain gouvernement afghan qui lui succédera le fera, a fait valoir M. Carney. Néanmoins, comme personne ne sait comment la situation évoluera, il est temps de prendre des dispositions, a-t-il expliqué. Les négociations entre les États-Unis et le gouvernement afghan sur l'ASB ont débuté formellement à Kaboul en novembre 2012. L'accord prévoit le maintien d'une présence américaine sur sol afghan d'environ 10 000 militaires, qui fournirait un appui logistique pendant 10 ans. Monsieur Karzai n'a jamais caché son opposition aux tactiques de l'armée américaine dans son pays, en particulier les raids contre les maisons afghanes, et il a dit qu'avant de signer quoi que ce soit, il veut des garanties en vue d'un dialogue direct avec les talibans. Arizona, veto contre la loi anti-gay. 27 février 2014, la gouverneure républicaine de l'Arizona, dans le sud-ouest des États-Unis, a opposé son veto, mercredi, à une loi controversée autorisant les commerçants à invoquer la liberté religieuse pour refuser le service aux homosexuels et lesbiennes. À l'annonce du veto, des opposants au texte rassemblés près de la législature de Phoenix ont bruyamment témoigné de leur soutien pour la décision de la gouverneure Jean Brewer. Depuis l'adoption de la mesure, l'opposition montait au créneau. La classe politique ici à Washington, des législateurs de l'Arizona, et même diverses sociétés avaient manifesté leur déplaisir. Certaines entreprises adoptant déjà des sanctions, le texte est vague, et aurait pu avoir des conséquences imprévues et néfastes, a fait valoir Madame Brewer. La liberté de religion est une valeur fondamentale de l'Amérique et de l'Arizona, ainsi que la non-discrimination, a-t-elle ajouté. Le texte de loi avait été promu par le Center for Arizona Policy, groupe conservateur opposé au mariage gay et à l'interruption volontaire de grossesse. Il s'agissait, pour cette organisation, de protéger le droit des Américains à la liberté religieuse. La loi SB-1-06-2 n'avait qu'un but, et un but seulement. Garantir que les Américains et les habitants de l'Arizona soient libres de vivre et de travailler en accord avec leur foi, a déclaré la présidente du centre, Kathy Herod. A noter que le sénateur de l'Arizona et candidat malheureux à la présidentielle de 2008, John McCain, était contre la mesure. « Je ne pense pas qu'elle soit nécessaire », a-t-il dit. Nous voulons certainement nous assurer que nous ne faisons rien qui soit interprété comme de la discrimination réelle ou perçue, a-t-il poursuivi. Plusieurs grandes sociétés, dont Apple, American Airlines, et le géant de l'hôtellerie Marriott avaient dénoncé la loi, la jugeant néfaste pour la bonne conduite des affaires. La Ligue du football américain avait fait savoir qu'elle pouvait compromettre la tenue, en 2015, de la finale du Super Bowl dans l'Arizona. Les partisans de la mesure faisaient valoir qu'elle cherchait à protéger les petits commerces, tels que les boulangeries, fleuristes ou photographes, opposés à l'homosexualité, mais le ministre américain de la Justice, Eric Holder, était lui aussi contre la législation. « Je crois qu'il faut se méfier des classifications juridiques reposant uniquement sur l'orientation sexuelle », a déclaré M. Holder, et surtout, a-t-il ajouté, « Il ne faut pas oublier que les pères fondateurs de la nation avaient déclaré, sans équivoque, que tous se sont créés égaux ».